Vous n'en pouvez plus de Marvel, vous n'en pouvez plus du surhomme américain moulé en lycra qui sauve la veuve et l'orphelin, eh bien réjouissez-vous, car les États-Unis n'ont pas l'apanage des super-héros et des super-héroïnes, bien au contraire. Figurez-vous que la France est peut-être le premier pays pourvoyeur de personnages aux capacités hors du commun. Dès le début du XXe siècle et même avant, mais la Seconde Guerre mondiale est passée par là avec une défiance aiguë vis-à-vis du concept de surhomme qui du coup a trouvé refuge outre-Atlantique. Heureusement pour nous, Serge Lehmann et ses co-auteurs ont déterré les origines du super-héroïsme dans la littérature française. C'est le retour de la Brigade Chimérique. Brigade chimérique, nos super-héros ont du talent, c'est le programme surnaturel qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous parler de ces super-héros européens, de notre amnésie collective depuis la Seconde Guerre mondiale et de leur retour en 2021, j'ai donc le grand plaisir de retrouver à ce micro Serge Lehmann. Bonjour Serge. Bonjour. Vous êtes donc écrivain, scénariste, critique, co-auteur donc de la Brigade chimérique Ultime Renaissance. C'est le deuxième volume publié chez Delcourt et dessiné par Stéphane de Canva. Bonjour Stéphane. Stéphane, êtes-vous là? Vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous entend. Bonjour Stéphane. Vous êtes donc dessinateur et illustrateur de cette Brigade chimérique, mais d'autres volumes, notamment de Métropolis, toujours avec Serge Lehmann. Mais on commence par celle qui, chaque jour, triomphe grâce à ses super pouvoirs, des pièges de l'actualité scientifique qui sont nombreux et velus. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence par cette étude qui a fait beaucoup de bruit, elle est parue dans Science Advances. Homo sapiens serait arrivé en Europe bien plus tôt qu'on ne le pensait. Oui, ce sont les conclusions de cette équipe française. Les chercheurs ont découvert, dans la grotte Mandrin, un site dans la vallée du Rhône, dans la Drôme, les plus anciens restes d'hommes modernes en Europe. Des outils et surtout une dent de lait qui, d'après les analyses morphologiques, ne peut appartenir qu'à Homo sapiens. Cette dent est datée de 54 000 ans. Or, les restes d'hommes modernes les plus anciens en Europe étaient datés de 45 000 ans. Alors selon cette étude, pour un même site, il y a eu plusieurs populations d'espèces différentes. La grotte a d'abord été occupée par les hommes de Néandertal, puis autour de 54 000, il y aurait eu cette incursion des hommes modernes, et ensuite à nouveau une occupation néandertalienne, et enfin, vers 44 000, une nouvelle occupation d'Homo sapiens. Alors on sait qu'il y a eu des interactions entre notre espèce et les Néandertaliens, et cette étude vient renforcer cette idée. Néanmoins, ce travail est à prendre avec prudence. Sandrine Pratt est chargée de recherche au CNRS et paléanthropologue au Musée de l'Homme à Paris. L'autre point qui est aussi assez intéressant pour cette étude, c'est d'un point de vue de la technologie, donc de l'industrie lithique, parce que dans ce niveau où il y a ce reste d'hommes modernes, il y a une autre industrie qui est différente de l'industrie qu'on appelle moustérienne, qui est caractérisée des Néandertaliens. La prudence, c'est parce qu'en fin de compte, au niveau des restes humains attribués à l'homme moderne, il y a un seul reste. Donc c'est une dent juvénile, donc on peut peut-être espérer avoir plus de restes pour pouvoir plus asseoir le fait que ça soit des hommes modernes. Mais d'après l'étude et les analyses qui ont été faites, ça montre en termes de morphologie interne quelque chose de bien différent des Néandertaliens. Au niveau stratigraphique, il peut y avoir des mouvements d'éléments. Donc c'est sûr que s'il y avait plus d'éléments, ça permettrait de conforter cette succession. C'est sûr qu'on se base que sur un seul élément dentaire pour cette étude dans ce niveau-là. Les dents de lait et les dents en général sont assez intéressantes et assez pertinentes pour déterminer les espèces. Parfois, il vaut peut-être mieux avoir une dent de lait qu'un bout de crâne un peu plus complet, mais c'est sûr qu'on se base que sur un seul reste, ça c'est évident. Ce que dit aussi ce papier, c'est que l'humain moderne a emménagé dans cette grotte un an après que les Néandertaliens l'aient abandonné. Oui, là j'étais un peu dubitative puisque quand on regarde les méthodes de datation, on n'a pas une résolution qui peut aller à l'année. Donc c'est en effet un point un peu critique de l'article de pouvoir être aussi précis puisque on peut pas, c'est très compliqué d'avoir cette résolution, ne serait-ce que d'un point de vue méthodologique. Donc je pense que c'est peut-être un peu excessif de parler d'années en fin de compte. Il est toujours très compliqué de dire s'ils sont en même temps, au même moment, au même endroit. Il y a peu d'écart entre la couche précédente et la couche où il y a l'homme moderne. Mais un an est peut-être un peu risqué. Voilà, vous pouvez retrouver évidemment, comme d'habitude, le lien vers l'étude de CN726 sur notre fil Twitter. Et je vous renvoie également à la question du jour avec Chloé Cambrelin qui recevait Jean-Jacques Hublin ce matin pour parler de cette découverte et pour poser les mêmes précautions épistémiques que nous venons de le faire. La suite, en bref, selon une étude parue dans la revue Earth and Planetary Science Letters, les supermontagnes ont probablement été cruciales pour l'évolution de la vie sur Terre. Aujourd'hui, les supermontagnes n'existent plus, mais il faut imaginer, sur la Terre primitive, des monts quatre fois plus grands que l'Everest. Il y a environ 650 à 500 millions d'années, la supermontagne Transgondwanane s'étendait sur le supercontinent du Gondwana, sur plus de 8000 km. Une équipe australienne a découvert une deuxième chaîne, la supermontagne Nuna, qui se serait formée entre 2 et 1,8 milliard d'années sur le supercontinent de Nuna. Et il se trouve que l'apparition de ces supermontagnes coïncide avec l'apparition des premiers organismes vivants complexes et l'émergence des premiers grands animaux, mais aussi avec les pics des niveaux d'oxygène atmosphérique. Alors, selon les chercheurs, l'érosion rapide de ces monts aurait contribué à libérer dans l'environnement des minéraux et de l'oxygène, ce qui aurait ainsi déclenché l'explosion de la biodiversité. Également dans l'actualité scientifique, cette semaine, Natacha, en ultra bref. Cette semaine, on découvre qu'il est possible d'extraire des métaux rares en recyclant des cendres du charbon, du néodyme, de l'europium ou du terbium qui sont nécessaires pour la conception des écrans tactiles, des moteurs de voitures électriques ou des éoliennes, mais qui sont habituellement extraits des mines. Une licence vient d'être déposée sur cette nouvelle technologie de recyclage. Cette semaine, on découvre que les troubles du sommeil pourraient être une cause de la maladie d'Alzheimer. C'est ce qui ressort d'une étude cellulaire menée sur des souris. Les chercheurs montrent que les plaques de protéines associées à cette maladie, les protéines tau, peuvent s'accumuler dans le cerveau lorsque le sommeil est perturbé. Et enfin cette semaine, la sonde solaire Parker de la NASA a capturé les premières images de la surface de Vénus, dont on sait très peu de choses puisque sa vue est obstruée par son épaisse atmosphère. La sonde a enregistré la lueur qui émane de sa surface. Même plongée dans l'obscurité de la nuit, Vénus brille d'un rouge incandescent. Ces images vont nous permettre de mieux comprendre la composition de la croûte de la planète. Dans quelques instants, nous allons replonger dans l'univers des super-héros européens qui reviennent nous sauver dans la brigade chimérique Ultime Renaissance. Ce sera tout de suite après le journal de la science-fiction. Et on commence avec une étude parue dans la revue Nature, une étude qui décrit la création d'une intelligence artificielle pilote de course. Et les chercheurs de Sony AI ont créé GT Sophie, une intelligence artificielle entraînée sur le simulateur de course Gran Turismo, le jeu sur PlayStation 4. Un jeu qui nécessite de nombreuses manœuvres stratégiques pour gagner. Il faut prendre des décisions en temps réel tout en interagissant avec d'autres joueurs. Comment prendre un virage selon sa vitesse, dépasser des adversaires rapides ou minimiser le risque de crash. Alors les chercheurs ont formé cet algorithme avec des méthodes de deep learning, par apprentissage, par renforcement profond. Et sur un total de 45 000 heures de conduite, ce pilote virtuel a ensuite pu rivaliser avec les 4 meilleurs pilotes de sport électronique au monde. GT Sophie a remporté le tournoi haut la main. Élodie Chantry est maître de conférence à l'INSA de Toulouse et chercheuse au laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes du CNRS. De manière très macroscopique, l'apprentissage machine comporte plusieurs branches, dont le renforcement, qui est utilisé dans cet article. Le renforcement en particulier utilise le fait que l'agent qu'on est en train d'étudier sait seulement les actions qu'il peut effectuer dans l'environnement. Une fois qu'il a effectué ses actions, on va lui donner sa récompense. Et en fonction de sa récompense, il va pouvoir mettre à jour ce qu'il connaît et améliorer l'action future qu'il va effectuer sur l'environnement. Et ainsi de suite, jusqu'à trouver les meilleures actions à effectuer en fonction de ce qu'il perçoit de son état. Dans cet article, les résultats montrent que l'algorithme réussit vraiment très bien à anticiper son environnement et prendre des décisions. Et il bat même les meilleurs conducteurs de voitures d'e-sport. Donc il arrive à battre les humains. Comme ça s'est fait finalement déjà quand les algorithmes ont battu les joueurs d'échecs ou les joueurs de Go. Ils disent qu'en fait, ils combinent à la fois des vitesses très grandes et en fait une adaptation très grande aux tactiques. Et ça, en fait, oui, c'est la force de l'apprentissage par renforcement parce que finalement, l'agent, avec cet apprentissage, arrive à s'adapter bien plus rapidement qu'un être humain pourrait le faire. C'est une étude importante parce que le renforcement, comme tous les algorithmes finalement d'apprentissage, hein, montre là, des résultats qui sont hyper intéressants parce qu'au final, bon, alors certes, c'est souvent par le jeu qu'on le montre, les machines arrivent à outrepasser les capacités humaines. Et ça montre aussi qu'à terme, on va pouvoir, par exemple, les utiliser pour aider les humains lors d'une conduite de vrais véhicules. On va pouvoir adapter à d'autres véhicules. Donc là, c'est des voitures. On pourrait imaginer des avions. On pourrait imaginer des camions. On pourrait imaginer plein de choses comme ça qui pourraient s'adapter finalement dans le monde réel. En bref, on a appris cette semaine la mort de Douglas Trumbull. Douglas Trumbull, l'homme qui se cachait derrière les effets spéciaux des chefs-d'œuvre de la science-fiction. Réalisateur, scénariste, mais surtout truquiste, il a travaillé aux côtés de grands réalisateurs tels que Stanley Kubrick, Steven Spielberg et Ridley Scott. Il a façonné nos imaginaires en supervisant les effets spéciaux d'une dizaine de films, Rencontre du troisième type, 2001, l'Odyssée de l'espace, Star Trek ou encore Blade Runner. L'Américain est mort le 7 février à l'âge de 79 ans. Le réalisateur coréen Bong Joon-ho prépare un nouveau film de science-fiction avec Robert Pattinson. Réalisateur sud-coréen du Transperce-Neige, de Okja et de l'oscarisé Parasite serait en train d'écrire l'adaptation d'un roman de SF, Mickey Seven, d'Edward Ashton. Or, ce roman raconte l'histoire d'un employé jetable qui, lors d'une expédition pour coloniser une exoplanète, est cloné chaque fois qu'il meurt. Après 6 morts, Mickey Seven refuse de laisser son clone Mickey 8 prendre sa place. Alors, il devrait être interprété par Robert Pattinson, que l'on a déjà vu dans l'espace dans High Life de Claire Denis. On verra bientôt en nouveau Batman. Côté fiction, suite à l'échec commercial de Matrix 4, Resurrections, la Warner Bros. Est attaquée en justice. Et le quatrième volet de Matrix n'a récolté que 153 millions de dollars au box-office, hein, pour un budget de 190 millions. La Warner Bros. Est donc poursuivie en justice par l'un des coproducteurs du film. Le studio de production Village Roadshow Pictures estime avoir subi un préjudice financier et reproche à la Warner d'avoir sorti le film simultanément en salle et sur les plateformes de streaming. Une erreur stratégique qui serait à l'origine de ce flop. Et on termine, comme chaque vendredi, par notre rubrique de sciences improbables. Une étude parue dans le Journal of Archaeological Science Reports. Cette étude décrit une méthode pour identifier des pots de chambre antiques. Et face à d'anciennes poteries romaines, qui datent du 5e siècle, des chercheurs britanniques étaient sceptiques quant à leur fonction. Ces récipients coniques servaient-ils à stocker des céréales, de l'eau, des cendres funéraires ou d'autres choses? Les chercheurs ont donc mis au point une méthode pour distinguer un pot de fleurs d'un pot de chambre. Ils ont analysé les concrétions minéralisées qui se trouvaient dans le fond de ces faïences et ils ont identifié des œufs de vers parasites intestinaux, ce qui démontre que ces récipients en terre cuite étaient bien utilisés pour contenir des matières fécales humaines. Et ce qui démontre qu'il n'y a pas de saut métier. Merci beaucoup Natacha et à lundi pour le prochain Journal des Sciences. France Culture. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et si vous blâmez les Américains de nous abreuver dans un robinet d'eau tiède continue d'histoires similaires qui peuvent se substituer les unes aux autres, avec à la fin la défaite du méchant et les gentils qui triomphent en sauvant l'ordre mondial, et bien blâmer les Français, parce que les premiers super-héros de l'histoire de la fiction ne sont ni Superman ni Batman. Ils viennent de chez Maurice Renard, Ronny Aîné et d'autres. Ils sont les sauveurs de Paris, les héros de feuilleton qui s'égrènent de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du suivant. Ils s'appellent Nick Talope, l'homme truqué, Félifax ou encore Palmyre ou Fantomas. Ce sont nos super-héros français, européens, que Serge Lehmann est allé ressusciter en fouillant dans la littérature et les feuilletons populaires du début du XXe siècle. Cela avait donné, il y a une petite dizaine d'années, la première Brigade chimérique publiée chez l'Atalante. 12 ans après, la suite des aventures de ces premiers super-héros européens trouve donc un écho, une continuité dans la Brigade chimérique Ultime Renaissance. Ça, c'est chez Delcourt cette fois, avec Stéphane de Canva qui remplace Jess au dessin. Entre les deux, il y en a eu certains autres. Il y a eu L'Homme truqué, il y a eu L'œil de la nuit, il y a eu Masqué. Charles Lehmann, nous en avons déjà parlé à ce micro. Mais rappelez-nous d'où vous vient cette obsession. Comment c'est né ce désir d'aller débusquer ces premiers super-héros français? Ou européens d'ailleurs. Oui, européens, mais c'est un truc très français, de gosse de 12-13 ans dans les années 70 qui lisait les numéros de Strange et donc découvrait l'univers Marvel qui à l'époque était quand même assez confidentiel en France. France. Il y avait pas, on était encore très loin de la vague actuelle. Il y avait pas de films, il y avait rien d'autre que les bandes dessinées et les revues. Et j'éprouvais une très grande frustration à voir que c'était un genre manifestement uniquement américain, que les seuls personnages dignes de ce nom étaient des super-héros américains. Et je me souviens avoir écrit au journal, j'avais 13 ans, une lettre en demandant pourquoi il n'y a pas de super-héros français. On m'a jamais répondu, mais la question n'a jamais complètement disparu. Et en fait, au milieu des années 90, devenu un écrivain de science-fiction, et constatant avec une certaine stupeur à quel point ce genre était incompris, maltraité en France, incompris en fait, pas connu. Je me suis demandé quand le malentendu avait commencé. Et en remontant à l'avant-guerre, c'est-à-dire avant la découverte de la science-fiction américaine au début des années 50, bah, j'ai redécouvert alors un patrimoine qui était connu d'une dizaine d'érudits, parce que personne n'a tout lu, mais qui n'avait pas fait l'objet d'une tentative d'historicisation, qui n'avait pas fait l'objet de récupération moderne, qui n'avait pas fait... qui n'irriguait plus du tout la postmodernité comme les grands héros anglais, par exemple, ont pu irriguer l'œuvre d'Alan Moore. Donc, j'ai mis ce travail en route, d'abord sous la forme d'une anthologie qui est parue en 2006, qui s'appelait Chasseurs de chimères, où j'ai réédité une douzaine de ses romans d'époque. Et puis ensuite, parce que La Talente a lancé sa collection de bandes dessinées, qu'on m'a demandé de réfléchir à un projet, et que j'ai proposé ça en me disant, c'est typiquement le genre de truc qui ne peut pas arriver, ça ne va pas pouvoir se faire, et surtout pas chez un éditeur qui ne publie pas en principe de bandes dessinées. Et bizarrement, c'est arrivé et ça a eu du succès. Oui, avec Mireille Rivalan qui a lancé sa collection de bandes dessinées avec cette brigade chimérique, qui a plutôt bien fonctionné. Ouais, bien sûr. Ouais. Le déclic, il est venu après Alan Moore, justement, après La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. En fait, le déclic s'est produit en 97 ou 98. Donc avant que je découvre la Ligue, mais c'était quand même grâce à des auteurs anglais et américains. À cette époque-là, deux amis, Francis Valéry et Sylvie Denis, publiaient une revue qui s'appelait Cyber Dreams. Et dans cette revue, ils avaient consacré un numéro spécial aux Uchronies, au monde parallèle. Et dedans, il y avait deux nouvelles, une nouvelle qui m'ont frappé, une nouvelle de Kim Newman, auteur anglais, qui racontait ce qu'aurait pu devenir Superman s'il était tombé non pas aux États-Unis mais en Allemagne nazie dans les années 20. Il y a une très bonne déclinaison qui s'appelle Superman Red Son, où il tombe en URSS. Mais alors c'était très intéressant parce qu'il tombait, mais du coup il arrivait dans l'Allemagne nazie du docteur Mabuse et de Metropolis, qui était réellement un effet de miroir très très troublant. Et l'histoire a été racontée après-guerre et on faisait son procès. Parce qu'il était considéré comme un criminel de guerre. C'est une nouvelle que j'ai trouvée remarquable. Et une deuxième nouvelle, plus anecdotique, de David Breen, qui s'appelait Paris rafle tout, et qui racontait la défense de Paris contre les Martiens de Wells par Jules Verne. Bon. Et je m'étais dit, mais comment se fait-il que des Anglais et des Américains s'éclatent avec le patrimoine français et européen et pas les auteurs français et européens? Et qu'en fait, ce patrimoine, on l'a même pratiquement complètement oublié. Donc c'est là que le déclic s'est produit. Et puis après, effectivement, j'ai vu la Ligue, qui m'a fait énormément réfléchir parce que c'est un travail de 2003-2004 le premier. Moi, je l'ai découvert en 99-2000, il me semble, vraiment à la parution du premier volume. Avant que ce soit publié en France. Peut-être bien, je sais plus vraiment. J'ai plus. Mais enfin, c'est à ce moment-là, quoi. Et c'est sûr que ça. Alors, j'ai évité d'y penser trop parce que Moore prenait un contre-pied assez génial du mien. Lui, il s'intéressait non pas à la réhabilitation de la mémoire de personnages oubliés, puisque tous les personnages qu'ils utilisent sont très célèbres. C'était justement de montrer que leur célébrité était une sorte de prototype de celle des super-héros. Les héros de la Ligue des Gentlemen, on en écoutera un extrait, il y a une adaptation assez ratée, au cinéma, mais ça nous permet d'en diffuser un extrait. Les super-héros de Moore étant Mina Harker, Nemo, l'Homme Invisible, Jekyll et Hyde. Et Alan Quatermain. Exactement, voilà. C'est-à-dire les grands héros, enfin d'ailleurs français, puisque Nemo n'est pas français, mais non. Il est créé par un français. Néanmoins, dans le premier volume, il y a c'est pas Lupin, il y a non, mais on entend dans le deuxième volume, on entend parler des hommes mystérieux qui protégeraient Paris. C'est et ça. Dedans, il y a le Nyctalope. Il y a le Nyctalope, oui, tout à fait. Voilà. On va y revenir. Stéphane de Canevas, vous êtes donc l'illustrateur, le dessinateur de cette brigade chimérique Ultime Renaissance, mais vous n'en êtes pas à votre première collaboration avec Serge Lehmann. Vous avez notamment illustré Metropolis. Quel est votre rapport, vous, aux super-héros? Est-ce que vous étiez, vous aussi, un lecteur de Strange, de Marvel, de Spidey? Comment vous êtes rentré dans ce projet? Alors oui, j'étais vraiment un fervent lecteur des publications Lug, notamment dans les années 80. Et en fait, toute ma culture BD a vraiment été façonnée par les BD américaines. Donc que ce soit en termes de traits, de narration et même de format de page. C'est vrai que lorsque je pense à une page, je pense avant tout à une page de comics, et pas forcément une page grand format franco-belge. Et donc, j'ai commencé les super-héros un peu plus tard que Serge. Et donc, à l'époque où j'en lisais, il y avait justement quelques super-héros français à l'intérieur des publications LUG. Donc, il y avait notamment Photonique. Photonique par Sirotota. Ça me fait plaisir d'entendre parler de Photonique. J'en parle à chaque fois que Serge Chabal est à ce micro. Moi, qui suis aussi lecteur de ça, moi, j'étais un passionné de Photonique. Rappelez-nous ce que c'est, Stéphane de Canevas, Photonique, parce que c'est intéressant, parce que c'était une tentative vraiment de calquer totalement les codes des dessins de Marvel hérités de Kirby et consorts sur bien un comic français, mais dessiné exactement à l'américaine. Oui, c'est ça. C'était une bande dessinée par Sirotota qui avait un style vraiment très, très dynamique et qui racontait l'histoire d'un bossu qui se transformait en une créature fantastique, un super-héros. De lumière. Et donc, Photonique avait été publié au tout début dans la revue Mustang. Donc, j'étais un peu trop jeune pour la connaître. J'avais vu ces revues-là, mais en occasion. Et ensuite, elle avait été transvasée, il me semble, dans Speedy, si je ne dis pas de bêtises. Dans Speedy, oui, tout à fait. Voilà. Et en fait, mon héros préféré à l'époque était notamment Micross. Micross qui a été créé par Jean-Yves Miton, qui était en fait un héros qui avait des pouvoirs assez similaires à ceux de Ant-Man chez Marvel. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Jean-Yves Miton, lorsqu'il a créé le personnage, avait pris un pseudonyme, le pseudonyme de John Milton, pour faire vraiment, vraiment américain, un peu comme Sergio Leone lorsqu'il réalisait ses premiers Western Spaghetti. Et donc, Micross était vraiment, à l'époque, lorsque j'étais gamin, le personnage que je préférais dessiner plus que Spider-Man, qu'Iron Man. J'adorais vraiment dessiner notamment ses yeux d'insectes. Donc, le fait d'avoir fait quelques petits clins d'œil à ces personnages au détour de quelques affiches d'Ultime Renaissance m'a fait vraiment plaisir. Comment est-ce que... Alors, on va revenir sur Ultime Renaissance tout à l'heure, mais du coup, depuis Metropolis, c'est donc rentré dans une sorte de Serge Lehmann cinématique ou BD-atique universe, parce que depuis La Brigade Chimérique, tout ça, il y a eu des spin-offs, il y a L'Homme Truqué, il y a L'Œil de la Nuit. Vous avez contribué à Metropolis qui fait un autre pas de côté. Comment est-ce qu'on décide aujourd'hui du comics de super-héros sans singer ce qui se fait aujourd'hui ou ce qui s'est fait hier par ailleurs dans le comics classique américain? Comment on se détache de cette influence? Disons que la partie a un peu été simplifiée en ce qui me concerne, dans le sens où dès que l'on change le cadre, il y a une petite étrangeté qui s'installe. Donc nous, notamment le fait de dessiner des super-héros mais qui évoluent dans Paris. Oui. Rien que le fait de poser des super-héros dans Paris, ça crée déjà un parfum qui est un petit peu différent graphiquement. Et après, il y a tout ce qui est amené par l'histoire, c'est-à-dire le fait que tous ces personnages évoluent vraiment dans la société française et ont des problématiques qui ne sont pas forcément des transpositions qu'on pourrait retrouver dans une bande dessinée américaine, par exemple. Et donc, notamment au niveau des costumes, nous sommes restés assez sobres au niveau de la Brigade Chimérique Ultime Renaissance, parce que, comme je le disais, le fait d'avoir des super-héros dans Paris est déjà quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Oui, et puis alors, on reviendra sur ces super-héros dans Paris. Je vais ajouter juste un truc. Bien sûr, Serge Lehmann. Des planches superbes de Paris, de la banlieue parisienne, et pas que de Paris. Non, oui, du Grand Paris. Du Grand Paris. Non, mais en fait, ce que dit Stéphane est très juste. Il suffit d'introduire des personnages de super-héros crédibles dans un décor parisien pour que ce soit magique tout de suite, à condition de faire les bons choix. Mais surtout, moi, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup regardé les comics sur la... pour voir comment les dessinateurs traitaient New York ou Metropolis ou Gotham. Et en fait, alors a fortiori quand les villes sont inventées, mais même quand elles sont réelles, dans les aventures de Spider-Man par exemple, qui se passent à New York, New York est traité de manière extrêmement générale et générique. C'est-à-dire qu'on voit pas forcément des bâtiments très très identifiables. C'est des façades de buildings, c'est des Canyon Street, c'est des parcs, mais c'est tout en fait. Il n'y a pas forcément de rapport à la réalité. Alors que dans Ultime Renaissance, avec Stéphane, on a fait un gros travail de documentation photo pour mettre des lieux réels. Et ça crée un sentiment de vérité qui est immédiat tout de suite. Et des lieux très présents, parce qu'il y a les Invalides, mais il y a aussi la toute nouvelle tour du 13e qui est sur le périph, qui est un peu de guingois. Il y a Pantin, enfin il y a vraiment plein de... La grande tour TSF de Romainville. Enfin, mais même c'est vraiment... Je me suis dit, mais vous l'avez dessiné vraiment, il y a... C'est extrêmement récent, quoi. Oui, enfin, on est vraiment dans le Paris d'aujourd'hui. On est dans le Paris d'aujourd'hui. Ouais. Bah, d'ailleurs, la date de l'action est donnée à un moment, puisqu'on dit qu'on est en 2021. Oui, moi, de toute façon, mon ambition de départ n'a jamais été que historique. Je me suis dit, quand on avait fait la brigade il y a 12 ans, au minimum, c'est une bonne histoire d'histoire. C'est-à-dire qu'on fait un morceau d'histoire culturelle et voilà. Mais le but a toujours été de réenchanter le présent. Le but a toujours été de réveiller des mythologies qui dorment sous la surface tranquille des choses. On va y revenir, Serge Lehmann, puisqu'on est en train de parler justement de ces plans de Paris. Stéphane de Canevas, racontez-nous un peu, justement, c'est vrai qu'en tant que lecteur, il y a un vrai plaisir de voir ce cadre de cette ville que l'on connaît et pas uniquement d'utiliser les symboles. C'est-à-dire que c'est pas des super-héros sous l'Arc de Triomphe, c'est pas des super-héros à la Tour Eiffel, c'est des super-héros dans le Paris d'aujourd'hui, dans le Paris ultra-contemporain, dans le Paris du périph, dans le Paris du métro, dans le Paris de Pantin, dans le Paris du 93. Comment vous avez travaillé justement ces scènes et ces fresques, parce qu'il y a des vraies fresques et des vraies pleines pages de très très belles scènes où il y a d'un seul coup cet élément surnaturel qui surgit dans ce Paris contemporain? J'ai beaucoup travaillé en collaboration avec Serge, notamment pour tout ce qui est documentation photographique, parce que je vais vous l'avouer, je ne suis pas parisien, mais je suis né à Marseille et je vis à Marseille. Il y a la prochaine brigade cimérique à Marseille, ce sera très bien, ça, voilà. Dans les quartiers nord. C'est la prochaine étape. Et en fait, donc je connais Paris, mais je ne la connais pas aussi précisément que Serge. Donc, pour rebondir un petit peu sur le fait de réenchanter un petit peu le réel, c'est un petit peu aussi la démarche que j'ai eue, dans le sens où ce sont des endroits de Paris que souvent je n'avais jamais vus avant de dessiner la brigade chimérique. Par exemple, l'Institut de physique du Globe, c'est un endroit auquel je suis seulement allé après avoir dessiné la BD. Donc mon imagination a beaucoup travaillé à partir des photos, à partir des références que m'a envoyé Serge. Et donc j'ai recréé en fait en quelque sorte ces lieux avec un style un petit peu comics. Et je pense que le fait que ce ne soit pas un Parisien qui connaît très bien ces lieux, qui ait dessiné ces scènes, crée aussi un petit sentiment de merveilleux, de réenchantement par rapport à ces décors. Oui. En même temps, enfin, de mémoire, sans être allé comparer vos planches au lieu réel, c'est quand même une illustration très réaliste qui est très immersive. Oui, mais c'est parce que je connais bien la ville, la banlieue le sujet du Grand Paris m'a intéressé en soi, indépendamment de... Oui, puisque c'était déjà dans Métropolis. C'était déjà dans Métropolis, mais c'était dans Masqué aussi. La problématique des villes en général, mais du Grand Paris en particulier, parce que moi, je vais tout doucement vers la soixantaine, et donc je suis né dans la banlieue sud, dans l'Essonne, et je suis né à une époque où la coupure Paris-banlieue avait vraiment un sens très fort, où le périph était réellement une barrière mentale très puissante. Et quand les concours du Grand Paris ont été lancés, je me suis rendu compte que j'avais moi-même beaucoup de difficultés à m'affranchir de cette coupure Paris-banlieue. Donc ça fait une dizaine d'années que je vis avec une carte du Grand Paris à mes pieds et que je m'immerge dedans, dans cette carte. Les cartes ont sur moi cet effet aussi souvent que possible, de façon à percevoir le territoire comme un tout. Et je pense que ça se sent en fait dans la BD. Paris-ville est traité vraiment comme un centre urbain, comme Manhattan, mais de la même manière que Manhattan ne résume pas New York, le Paris-ville ne résume pas le Grand Paris. Oui, je parle depuis le début, en fait, c'est un lapsus intéressant, je parle de Métropolis, je veux parler de Masqué. Oui, c'est intéressant. Non, parce que Stéphane a dessiné Métropolis, mais le Grand Paris... Le Grand Paris, c'est Masqué, voilà, je m'en mêle les pinceaux entre les deux. Serge Lehmann, pour revenir à la source, donc il y a cet intérêt... Parce que vous faites un travail, ce qui est passionnant d'ailleurs, dans la Brigade Chimérique Ultime Renaissance, c'est l'importance justement de ces fictions, mais dès le début, hein, d'ailleurs dans la Brigade Chimérique Initiale, qui sont en fait, que vous décrivez comme étant finalement quasiment du journalisme, c'est-à-dire en fait de la retranscription du réel. Donc ces fictions deviennent, Maurice Renard devient le biographe de l'homme truqué, Spade devient la biographe de Palmyre et de la Brigade Chimérique par ailleurs. Donc comment vous êtes allé faire ce travail d'archéologie littéraire là, et je pense à quelqu'un qui est cher à toute la communauté de la science-fiction, que vous remerciez d'ailleurs, la Brigade Chimérique, qui est Joseph Altera, qui nous a quitté brutalement il y a un peu plus d'un an. C'est ça, Joseph avec son vieux complice Guy Coste nous ont fourni une manne extraordinaire sous la forme d'une encyclopédie en deux volumes dont on a parlé ici, Rétrofiction, qui recense absolument tout ce qu'on appelle la fiction spéculative, c'est en gros la science-fiction, de Rabelais jusqu'en 1950, parce que c'est vrai que c'était un domaine qui n'était tout simplement pas cartographié, il n'y avait pas de recensement intégral de tout ça. Donc maintenant, on a ce recensement, on a chaque texte est présenté, résumé, jugé éventuellement. C'est un outil d'une valeur absolument incomparable pour les chercheurs. Mais quand j'ai fait la première brigade, il n'existait pas encore. On avait cependant, depuis la Deuxième Guerre mondiale, des érudits qui avaient travaillé sur le sujet, mais sous des formes extrêmement schématiques, c'est-à-dire des listes, des index, des descriptifs de collection, des choses très générales. Donc, en fait, il fallait quand même aller lire les textes. C'est pour ça que j'en ai profité pour faire une anthologie aussi à ce moment-là. C'est qu'on redécouvre des trésors oubliés au milieu d'une extraordinaire couche de charbon, quand même, il faut bien le dire. Bien sûr. C'est-à-dire que 90% des textes publiés à cette époque sont totalement illisibles et sans intérêt. Mais les 10% restants sont souvent très intéressants, et dans les 10%, il y a quelques grands chefs-d'œuvre que personne ne connaît. Et c'est génial, c'est ces chefs-d'œuvre d'ailleurs qui sont d'ailleurs la clé, sans rien révéler, qu'il faut aller chercher là-dedans, comme finalement on irait chercher dans Lovecraft, dans des rapports scientifiques. Exactement. Ou à la grande bibliothèque de Miskatonic. Mais là, on va chercher dans les feuilletonistes du début du XXe. C'est ça. Et je voulais. Alors, c'est arrivé comme ça pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je ne suis pas qu'un critique, je suis aussi un écrivain, et la condition d'écrivain m'intéresse. Donc, ça me plaisait de mettre en scène ces auteurs oubliés. J'avais envie de leur rendre hommage, de leur rendre justice. Ce sont des gens qui ont inventé quelque chose et auxquels l'histoire littéraire n'a pas du tout rendu justice. Donc, c'est un hommage qui leur est fait. Et c'est un hommage qui dure maintenant depuis presque 20 ans pour moi. Donc, c'est des personnages à part entière dans mon imaginaire, ces auteurs. Ils ont autant de présence que les héros proprement dit. Et puis enfin, ça permet tout un jeu amusant sur les rapports entre personnages et créateurs, entre créatures et créateurs. Ça permet de faire quelques commentaires narquois sur le monde des contrats et de l'adaptation, etc. Donc voilà, c'est tout un plaisir d'auteur et aussi d'une certaine manière de psychopompe, comme on disait à l'ancienne, c'est-à-dire de... J'aime assez l'idée que ce sont des gens qui continuent d'écrire à travers moi aussi, qui poursuivent leur création à travers moi. C'est alors deux choses. D'une part, on vient de remettre sur notre fil Twitter le lien de l'émission que nous avions consacrée à Rétrofiction. J'avais eu la chance et le plaisir d'accueillir Guy Coste et Joseph Alterac pour parler de Rétrofiction. Et deuxième chose, qui vous intéressera certainement, Serge Lémard, ainsi que nos auditrices et nos auditeurs, je vous annonce que d'ici très peu de temps, je crois que c'est dans 15 jours la première, nous allons jusqu'à la fin de cette saison faire une série d'émissions consacrées à l'histoire de la science-fiction française. Et la première sera avec Guy Coste. Bah, on prendra du début jusqu'à 1950, et on va découper par groupe d'années pour arriver jusqu'à aujourd'hui. On va essayer de vous proposer ça d'ici la fin de l'année. Voilà, ceci étant dit, le point de départ, Serge Lehmann, c'est SPAD. C'est SPAD qui a exercé une extraordinaire influence et même un charme sur moi. Mais c'est un personnage, alors en fait, je ne sais pas si j'ai le temps, mais c'est un personnage qui est né dans des circonstances extrêmement étranges. Au départ, il y a une femme auteur des années 20-30 qui s'appelle Renée Dunant, qui est assez mystérieuse, qui devient un peu culte avec le temps. Lesbienne, féministe, anarchiste, amie des premiers surréalistes, écrivant des romans policiers, du roman fantastique, de la SF. La George Spade de la première brigade simérique. C'est ça, exactement. Mmh. Bon, comme j'avais pas envie d'utiliser son vrai nom, elle a eu une multitude de pseudonymes, et dans ces pseudonymes, il y avait Spad. Avec 2D. Donc je me suis dit, voilà, George Spade, ça faisait aussi penser à George Sand, auteur femme écrivant avec un pseudonyme d'homme. Tout ça collait très bien. Sauf que ce qui n'était au départ qu'une sorte de prétexte, disons, pour entrer dans l'histoire de Palmyre, son personnage, des amis s'en sont saisis, sans m'en parler, et ont créé tout un petit mythe littéraire autour de George Spade en faisant une fausse couverture de ses livres, en lui inventant une fausse biographie, qui a pris comme ça naissance et s'est développée tout à fait loin de moi, sans que je m'en mêle, sans qu'on me demande mon avis, mais j'ai trouvé ça très très bien. Et c'est une femme qui s'appelle Christine Luce qui a organisé tout ça, avec Joseph Alterac, avec Guy Coste. Et donc il y a un mini mythe littéraire autour de George Spade qui s'est créé pendant qu'on écrivait, pendant qu'on publiait la série. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Spade au départ ne devait pas être dans l'histoire. C'est en fait en l'imaginant en auteur pour une notice que d'un seul coup, je me suis dit, mais non, mais en fait, il faut qu'elle soit dans l'histoire. Et de ce « il faut », elle est devenue en fait l'héroïne de l'histoire, le personnage principal quasiment. Donc c'est un cas où un personnage a exercé un charme sur moi. En fait. Mais ce qui est assez intéressant là-dedans, Serge Lehmann, c'est que en fait, ça dit aussi quelque chose des différents niveaux de narration et d'intrication entre le réel et la fiction qu'il y a dans le premier volume surtout de la Brigade Chimérique. C'est-à-dire qu'il y a donc ce personnage de Georges Spade qui devient effectivement l'un des personnages principaux, mais on va aussi rencontrer Breton. Il y a les Curie qui sont des personnages, Irène et Frédéric Joliot-Curie, mais Marie Curie qui est la mère patronesse qui infuse tout le récit, et il y a Samsa de Kafka, enfin bref, il y a vraiment une espèce de couches, de différentes couches, de superpositions entre la fiction, la réalité. Comment vous avez construit cette intrication là, parce qu'elle est très particulière, elle est très spéciale, et on la retrouve surtout dans le premier d'ailleurs, et peut-être un mot aussi sur la façon dont vous l'avez construite avec Fabrice Collin. Oui, absolument, j'allais le citer. D'abord, je pense que le miracle, c'est pas que ce soit hétérogène, le miracle, parce qu'il y a une sorte de miracle sur la première brigade, c'est que de cette hétérogénéité jaillit une histoire qui fait sens et qui est très compacte, en fait. Dans l'hétérogénéité, il y a effectivement d'abord la contribution de Fabrice. Je savais, moi, en entrant dans l'écriture, que si j'étais laissé à moi-même, le côté fan prendrait sans doute le dessus et que je me méfiais de mon propre désir de faire des clins d'œil, etc. Donc j'avais besoin, pour écrire, d'avoir une sorte de garde-fou. Et c'est le rôle que Fabrice a joué. Comme il a 10 ans de moins que moi, qu'il n'avait pas les mêmes références, pas même d'ailleurs, on partage plein de points communs, mais on n'avait pas non plus la même culture littéraire. Je savais qu'il n'aurait pas de complaisance particulière à l'égard des clins d'œil d'érudits. Et que bon, voilà. Et donc ça m'a évité de me perdre là-dedans. Donc il y a une partie de l'hétérogénéité qui vient de lui, des matériaux qu'il a amenés, puisque pour chaque épisode, il m'envoyait une sorte de pré-synopsis dans lequel je puisais mois pour écrire la version finale. Donc il y a des inventions qui sont de lui, mélangées aux miennes, sans coordination particulière. La deuxième, c'est que on a en fait écrit cette histoire comme sur une ligne de crête. C'est-à-dire que on voulait raconter la fin des super-héros européens en mettant en scène une hypothèse qui était que, disons, le triomphe provisoire, heureusement provisoire, des nazis sur le continent pendant 4 ans, avait fait du surhomme un mythe maudit. En Europe continentale, ce qui n'est pas du tout le cas en Angleterre ou aux États-Unis. Au contraire, c'est un mythe béni, c'est un mythe de victoire, du bien contre le mal. Nous, au contraire, quand on dit sur Rome, on pense immédiatement domination, écrasement des faibles, etc. Donc, il ne peut pas y avoir de culture européenne du super-héros sans une confrontation avec ce traumatisme originel. Et c'est ça que raconte la première brigade. Tout le problème de l'écriture, c'était d'arriver à faire que les grands vilains de l'histoire, le docteur Mabuse, nous autres, ou Gog en Italie, ou la Phalange en Espagne, soient à la fois des symboles vivants, disons des allégories des régimes qu'ils représentent, et en même temps de vrais personnages intéressants. Et donc on a inventé ça au fur et à mesure, et je pense que c'est cette invention au fur et à mesure qui fait que les couches de sens sont tellement imbriquées. Et c'était un travail en équilibre, instable. Et quand j'y repense, j'ai une sorte de vertige rétrospectif en me disant, si je devais le faire maintenant, je sais pas trop comment je m'y prendrais. C'est un peu parce que on était plus ou moins inconscient de la difficulté qu'on l'a fait comme ça. Et du coup, le livre est la solution de tous ces problèmes pratiques d'écriture. Alors, il y a un côté très imbriqué, mais qu'on pourrait sans doute pas reproduire à la demande. Stéphane de Canevas, comment, alors vous avez donc travaillé sur cet univers étendu de Serge Lehmann, des super-héros. Comment est-ce que vous avez lu, comment est-ce que vous avez relu justement ces personnages de la Brigade Chimérique, et comment vous avez d'ailleurs contribué à les transformer, puisque certains des personnages qui sont en général plutôt des personnages secondaires de la première Brigade Chimérique deviennent les personnages principaux. Comment est-ce que vous, quelle est votre intervention et comment vous les êtes réappropriés? Bien, en fait, j'avais lu la première brigade à l'époque de sa sortie, donc avant même de connaître Serge ou d'imaginer un jour travailler avec lui. Donc c'est une histoire qui m'avait beaucoup marqué, notamment parce qu'elle m'avait ouvert à tout un pan de l'imaginaire français dont j'ignorais totalement l'existence. Et ce qui m'a un petit peu libéré, on va dire, sur Ultime Old Renaissance, c'est que ce ne soit pas vraiment une suite directe, mais plutôt une prolongation à une autre époque. Et donc le fait justement que ce soit des personnages qui ont beaucoup évolué dans l'intervalle, par exemple l'Aube truquée, qu'on a quitté en fait au sortir de la Grande Guerre et qu'on retrouve en 2020. Et donc en fait le seul personnage qui fait vraiment le lien graphiquement, il me semble, c'est le personnage de Sévrac. Et justement c'est peut-être le personnage sur lequel j'ai eu le plus de difficultés au début. Voilà, dans le sens où j'essayais vraiment de singer le trait de geste, parce que j'avais vraiment été très marqué par la manière dont il le dépeignait dans la première brigade. Alors, je vous interromps un instant, juste pour les auditrices et les auditeurs. Sévrac, qui est le personnage pilier de la première brigade chimérique, je ne sais pas jusqu'à quel point il faut dire ou non les choses, mais qui est un ancien médecin militaire qui a été de la Première Guerre mondiale et qui est un homme quasiment animal, poilu, chauve, une espèce de force brute de la nature et qui va se révéler plus complexe et certainement plus fantastique que sa première apparition ne veut bien laisser penser. Je vous laisse poursuivre, Stéphane de Canevas. Et donc voilà, ce personnage de Sévrac, sur ses premières apparitions dans Ultime Renaissance, je singe beaucoup le trait de geste, parce que j'avais une appréhension un petit peu absurde, c'est qu'on ne reconnaisse pas en fait le personnage, alors qu'il a des caractéristiques physiques très, très prononcées. Il a notamment son crâne chauve, sa cicatrice au-dessus de l'oreille, sa pilosité très, très particulière. Et donc je me le suis approprié au fil de la BD, et en fait, à la fin de l'histoire, il a un aspect qui est relativement différent de celui de ses premières apparitions. Et donc, au niveau des autres personnages, ça a été beaucoup plus facile parce que, par exemple, l'homme truqué, nous l'avons totalement redéfini avec Serge, en fait, en faisant beaucoup d'essais, d'ailleurs. Au tout début, il avait l'aspect d'un vieillard qui portait un gros casque sur la tête. Et je ne sais pas si Serge s'en souvient, mais on avait même fait un essai avec un petit costume à la Mandrake, le magicien. Ah oui, je me souviens vaguement de ça. Ça nous a pris quelques semaines de trouver le bon point de. Ouais, on échangeait beaucoup. Mais alors, c'est intéressant parce que l'homme truqué, si on le regarde un peu avec du recul, on y voit beaucoup de Robocop quand même. Hein non, bah, Stéphane de Canevas. Bah, Stéphane répond. Ah oui, beaucoup. Ben, en fait, Robocop, j'avoue, parce que je suis un fan absolu du créateur de Robocop qui est Robotine. Bien sûr. En fait, quand j'étais plus grand, grand réalisateur d'effets spéciaux. Voilà, j'aurais aimé être Robotine, qui a notamment fait les effets spéciaux de Hurlement, de Robocop, de The Thing. Et donc, j'avoue que c'est une influence qui, même inconsciemment, doit se voir. Et j'aime aussi beaucoup dessiner les cyborgs, donc je pense que c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup influencé dans l'aspect que je lui ai donné, dans le sens où la précédente BD sur laquelle j'avais travaillé était une BD de pure SF cyberpunk, on va dire, qui s'appelait 100 milliards d'immortels, et dans laquelle il y avait quasiment exclusivement des cyborgs. Donc je pense que ma patte s'est aussi un petit peu exprimée dans l'aspect qu'a au final ce personnage. C'est pas un peu paradoxal, Serge Lehmann, d'avoir un personnage quand on veut valoriser les super-héros européens et français qui est inspiré de Robocop? C'est-à-dire que c'est cohérent avec la biographie qu'on lui a donnée. Bien sûr. Comme la plupart des personnages de la première brigade, il part aux États-Unis à la fin de l'histoire et donc on le retrouve alors qu'il a fait sa carrière basiquement pour le Shield avec Nick Fury. C'est ça qu'on postule. Et donc. Qui cite, hein, d'ailleurs? Il cite le Shield. Il cite le BPRD aussi. Il cite le BPRD. Oui, parce que c'est une espèce de métavers, disons, fiction. Le métavers où tous les super-héros existent, les États-Unis de la fiction, on appelle ça comme ça. Voilà. Donc oui, on essaye de. Moi, je prends l'histoire au scope le plus large, c'est-à-dire les super-héros existent, ils sont dominés par la culture américaine, mais en France, il y a une espèce d'amorce de retour. Je traite ça au premier degré. Quant à l'aspect de l'homme truqué, de Rigg, non, c'est pas paradoxal, c'est cohérent avec l'histoire. Il a passé 60 ans comme une espèce de super-ingénieur au service du Shield. Au fur et à mesure qu'il vieillit, il s'est remplacé lui-même les parties de son corps qui étaient défaillantes. Il a modernisé aussi son casque. Donc à la fin, il a l'aspect d'un androïde contemporain à peu près classique, certes, mais qui fait son office. Mais par ailleurs, il a eu droit à un épisode américain. Absolument. Il a eu droit à plusieurs épisodes américains. Mais... Voilà. À chaque fois, il dit « ça n'a jamais marché, j'ai jamais rencontré le succès, mais j'ai bien aimé avoir Jack Kirby comme biographe. » Et là, on a la chance que Jess, qui nous a laissé utiliser les images qu'il avait faites pour ce projet, à représenter Rigg avec le style de Jack Kirby. Et j'ai vraiment eu un coup au cœur en voyant cette image, parce que je me suis dit, voilà, Jack Kirby a dessiné pour moi au moins une fois. Alors, il faut évidemment, comme toujours, quand on parle des super-héros, parler des super-vilains. Et quand on revient à la première Brigade Chimérique, vous avez eu le génie, peut-on dire, en tout cas l'idée absolument géniale d'aller retrouver ce grand méchant par-dessus tous les grands méchants et qu'on a oublié alors qu'il a tout de même eu droit à une dizaine de films. C'est curieux, toute cette histoire ressemble étrangement à une affaire qui doit remonter à une trentaine d'années. L'un d'entre vous, messieurs, aurait-il déjà entendu parler d'un certain docteur Mabuse? Non. Une sorte de génie criminel. Il voulait asservir le genre humain et le réduire à sa merci. Et pour cela, il s'efforçait de provoquer l'anarchie et le désordre. Son rêve était de voir le triomphe du chaos universel. Quelque temps avant sa mort, dans un asile, il a écrit un testament incroyable. C'est une sorte de plan de destruction mondiale. En 1932, il est mort fou. Pourtant, s'il vous arrive de rencontrer ceux qui l'ont connu à cette époque, ils vous diront tous la même chose. Le docteur Mabuse n'est pas mort, il est immortel. Tout ça est ridicule. Mais je ne vois pas le rapport qu'il y a entre notre affaire et ce docteur, comment déjà ? Mabuse, le docteur Mabuse. Je vais vous l'expliquer. À l'époque, je venais d'être nommé inspecteur adjoint. Et un homme venait d'être assassiné comme par terre. Il était au volant de sa voiture et on avait tiré sur lui d'une voiture stationnant à côté de la sienne. L'affaire Barter a l'air à première vue une réplique exacte des méthodes du docteur Mabuse. Tout à l'heure, vous disiez que Mabuse était mort. Oui, c'est exact, il est mort, et de mes propres yeux, j'ai vu son corps. Et pourtant, alors pourquoi cette histoire n'est-elle pas plus connue? L'affaire a été étouffée par les nazis quand ils ont pris le pouvoir, et la guerre est passée par là-dessus. Mais il doit rester un dossier tout de même, ça laisse des traces, une affaire pareille. C'est quasiment le programme de la Brigade Chimérique. Incroyable, l'affaire a été effacée par les nazis. Docteur Mabuse, Fritz Lang et une dizaine de films. Et ce qui est absolument génial... Lui, il n'en a fait que trois. Les trois premiers, oui. Mais ce qui est absolument génial, c'est que peut-être même plus encore... Parce que Mabuse, il y a des romans à l'origine. Oui. Non, Père Jacques, c'est un luxembourgeois. Il y a c'est un luxembourgeois, voilà ça. Ou trois romans. Et c'est vraiment... Plus encore que Fantômas, Mabuse, c'est vraiment le génie du mal absolu, c'est-à-dire celui qui survit à sa propre mort, qui est un concept qui va être réincarné et qui va se succéder à lui-même pour continuer à produire vraiment le mal absolu, quoi. Il y a ça, il y a ce personnage de vilain extrême, mais il y a aussi la vraie vie du docteur Mabuse et de Fritz Lang, qui est encore plus troublante, parce que quand les nazis, et en particulier Goebbels, ont vu les films de Fritz Lang et ont constaté leur pouvoir incroyable sur les spectateurs, ils ont proposé à Fritz Lang de devenir le cinéaste officiel du régime. Et il a refusé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est parti d'abord en France, où il a fait un film ou deux, et ensuite aux États-Unis. Et donc, contrairement à sa femme, Théa von Arbou, qui elle est restée et a servi le parti nazi, je crois. Donc, Mabuse est un super criminel de légende, mais c'est aussi un super criminel derrière lequel il y a l'ombre de Goebbels, d'une certaine manière. En particulier, le parallèle, Mabuse est un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui provoque des transes, qui contrôle à distance. C'était plus ou moins le programme de Goebbels et par l'utilisation des moyens et des médias de masse. Donc tout ça fait un complexe fiction-réalité, art politique extrêmement troublant, qui était exactement là où on voulait se situer dans la première brigade. Oui, donc Mabuse, c'était moins un trait de génie qu'un trait d'évidence, quoi. Dans la première brigade, tous les héros, tous les vilains sont issus de littérature, de feuilletons, y compris chez les méchants, l'Ange Bleu, Werewolf. Non, alors l'Ange Bleu, oui, bien sûr, c'est plus une allusion qu'un vrai personnage. Les Werewolves, c'est-à-dire c'est le loup-garou en allemand et d'ailleurs en anglais aussi, n'est pas un super vilain fictionnel, mais c'est inspiré des résistants nazis d'après la défaite. Quand le régime s'est effondré, quelques groupes de résistants nazis, enfin de nazis, ont décidé de ne pas se livrer et de continuer la lutte armée, et ils se sont appelés eux-mêmes les loups-garous, les werewolves. Donc le premier film de Lars von Trier, Europa, traite de ça. Oui, tout à fait. Alors, question pour revenir à la Brigade Chimérique Ultime Renaissance. Le projet, finalement, vous décidez de le faire, ou en tout cas, il germe très tôt après la fin de la première série. On a toujours dit qu'on avait laissé une porte entrouverte pour un retour, puisqu'à la fin de la première brigade, on voyait la fameuse bague de la chambre ardente perdue dans l'herbe. On ne sait pas si elle sera retrouvée. En tout cas, elle est là. Les Alpes autrichiennes. Voilà, dans les Alpes autrichiennes. Et donc, on avait laissé une porte entrouverte, mais en ne sachant pas, il y avait tellement de conditions, il fallait que ça marche, il fallait que ça ait un sens de les ramener. Bon, voilà. Mais on avait ça en tête. Et puis, le désir de les ramener, c'est devenu clair en 2016, en fait, sous une double influence. La première, c'est les attentats contre Charlie. Et le sentiment que s'il y a bien un monde dans lequel on a besoin de super-héros qui proclament les valeurs, c'est le nôtre, maintenant. Ici et maintenant. Et le deuxième facteur, c'est le fait de n'avoir pas pu convaincre les héritiers de l'Ange de la Hire de nous permettre de faire une série sur le Nyctalope. Chose qu'on a découverte pendant qu'on était en train de faire cette série avec Jess. On avait déjà un volume et demi. On a contacté les héritiers d'Andlahir à ce moment-là, on ne savait pas qu'il y en avait, ils ont refusé la proposition qu'on leur faisait, et donc la série qu'on espérait consacrer au Nyctalop a été avortée et parue en 3 volumes sous le titre L'œil de la nuit. Et du coup, cet épisode sur on n'a pas les droits d'un personnage que tout le monde a oublié, qu'on a contribué à ramener, mais que bon, c'était tellement frustrant qu'avec Jess, on s'est dit, ok, on revient à notre création, à nous, puisque la brigade est à nous. Et qui par ailleurs, donc le personnage de Jean Delahir, qui est par ailleurs un personnage un peu obscur, avec un rôle un peu souterrain. C'est-à-dire qu'il avait dans la... Et c'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les héritiers de Lahir ont refusé de nous prêter le nom, enfin de nous permettre de l'utiliser, c'est que Lahir a été un collaborateur. Il a participé à l'organisation de la maison d'édition qu'il publiait, ce qui est quand même pas un grand titre de gloire. Il a d'ailleurs été condamné après la guerre et il est resté loin de la France pendant plusieurs années. Il était frappé d'indignité nationale et son personnage de Nyctalop, dans la dernière histoire publiée pendant l'occupation, a tous les osvres qu'il faut. C'est-à-dire qu'en gros, il collabore lui aussi. Donc que le premier des grands super-héros français ait fini comme un collaborateur, mais c'était ça le traumatisme qu'il fallait affronter. C'était ça qui était passionnant. Mais du coup, ça on s'aperçoit que 80 ans après, la cendre est encore tiède. Il faut pas plonger la main très profond pour que ça redevienne très brûlant très vite. Donc, le personnage du Nyctalop a été indirectement à l'origine du retour de la brigade aujourd'hui. Et alors, Stéphane de Canevas, ce qui est intéressant de cette brigade ultime renaissance, de cette brigade chimérique, c'est que, on passe d'un univers de Seconde Guerre mondiale à un univers extrêmement contemporain, et d'un seul coup, on voit ce gang de super-héros qui est aujourd'hui totalement ancré dans son temps, extrêmement divers. On a presque l'impression que vous vous êtes donné une charte de la diversité pour cocher absolument toutes les cases. Alors en fait, il y avait certains éléments qui étaient notamment dans le script, mais c'est vrai que lorsqu'on écrit une histoire qui se déroule aujourd'hui en France, c'est quelque chose qui est assez naturel. Surtout pour moi qui vis à Marseille, en fait, ça fait partie de mon quotidien. Donc c'est une diversité, je pense, qui est complètement naturelle. Et en tout cas, pour tout ce qui est périphérique, qui n'était pas spécifié dans le script, ce sont des éléments auxquels je n'ai même pas réfléchi. Ça allait avec le fait de dessiner un grand Paris contemporain. Pour la façon dont vous dessinez les super-héros, notamment, j'ai pensé à la Nouvelle Palmyre. Quelles sont vos sources d'inspiration? Parce que il y a une volonté de dessiner ces super-héros qui ne se ressemblent pas non plus totalement aux super-héros des comics américains. Et pourtant, dans Palmyre, j'ai trouvé des inspirations. J'y ai vu une sorte de mélange ou de souvenir peut-être de Dazzler ou de Malicia. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Palmyre, sa genèse est assez drôle, dans le sens où mon processus pour la créer, ça a été de prendre le costume original de Palmyre, tel qu'on le voit dans la première brigade, avec notamment ces cercles dessinés sur la robe, etc., et de les inverser, en fait, c'est-à-dire d'avoir une tenue noire qui rappelle un petit peu les vampires de Feuillade, et d'ajouter des ronds blancs par-dessus. Donc vraiment de partir de la tenue originale de Palmyre qui avait été définie par Jess, et de tout simplement l'inverser, lui donner un côté un petit peu plus félin. Mais en fait, en faisant ça, ce dont je me suis rendu compte beaucoup plus tard, c'est que le personnage faisait notamment penser à Havok des X-Men. Qui est aussi habillé en noir avec des cercles lumineux. Mais j'avoue que c'est une influence qui a été complètement inconsciente et involontaire. Le processus de création du personnage a été tout autre, mais il a mené à un personnage qui ressemble un petit peu à un super-héros américain. Et Félifax, comment est-ce qu'on transforme Félifax dans ce personnage qui est un personnage très secondaire de la première brigade chimérique, qui n'apparaît d'ailleurs que sous sa forme de tigre anthropoïde? Et là, d'un seul coup, il s'avère que ce Félifax, on sait qu'il y a quelqu'un derrière, un être humain, il s'avère que c'est une femme, et donc c'est une sorte de jeu d'équilibre entre cette puissance bestiale, féline, masculine, virile, et puis derrière, finalement, une femme par ailleurs bisexuel, avec un langage haut en couleur. Comment est-ce que vous avez travaillé ce personnage? Eh bien, on parlait de Rick tout à l'heure. Félifax est l'autre personnage sur lequel nous avons fait beaucoup d'essais, justement pour trouver l'aspect. Donc, nous avons notamment essayé de moderniser sa tenue, de féminiser un petit peu sa silhouette, vu la nature du personnage. Et au final, après avoir fait des essais, nous sommes rendus compte qu'en fait, Le Félifax, tel que défini par Jess dans la première brigade, fonctionnait parfaitement dans notre décor de Paris contemporain. Donc, au final, nous avons repris le même costume avec les petits anneaux en fer qui rappellent un petit peu un fort des Halles. Et après, il me semble que lorsque je suis arrivé sur le projet, Félifax était encore un jeune garçon asiatique et il a changé de sexe en cours de test. Et là, je pense que Serge peut peut-être plus en parler que moi. Oui, je l'avais pas vraiment, quand on a commencé l'écriture, j'avais pas vraiment le personnage en tête, en fait. Je savais que ce serait un personnage qu'on irait chercher en Asie, puisque Félifax, dans le roman originel de Paul Feyerabend-Yass, est indien. Ses parents sont indiens, en tout cas. On ne voit jamais le Félifax humain. Mais on sait qu'il est le fruit d'une expérience de biologie qui a eu lieu dans la jungle en Inde. Voilà, le docteur Moreau. Voilà, un truc comme ça, exactement. Et donc, comme Félifax part aux États-Unis comme Palmyre, comme l'homme truqué, on a imaginé son destin qui aurait été, vu sa puissance, d'être récupéré par l'armée américaine et d'être envoyé dans le Pacifique se battre contre les Japonais, puis d'y rester, d'y devenir une sorte de légende, de participer à la guerre du Vietnam qui l'écœure. À ce moment-là, il s'en va et on le retrouvera des années plus tard dans la jungle en Thaïlande. Donc c'était un personnage asiatique, ou en tout cas qu'on récupérait dans la sphère asiatique, et j'avais pas d'autres indications, parce que quand j'écris, je ne sais pas tout avant d'écrire. Parfois, j'ai des personnages qui tiennent en trois mots et puis ils s'inventent au fur et à mesure qu'on écrit. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, ça allait être plat, ça allait être... Que le contraste et la puissance du personnage et son caractère contemporain viendraient du fait que, justement, c'est une femme. Et c'est non seulement une femme, mais c'est une femme qui fait 2 mètres. C'est ça. C'est une femme qui fait 2 mètres, qui est prête à faire du terrorisme écologique, qui est effectivement bisexuelle, qui s'engueule avec ses parents parce qu'elle est très jeune, mais qui est docteur en biologie aussi. Tout ça est venu comme ça, c'est très spontané en fait. Quand tu disais tout à l'heure qu'on avait coché toutes les cases de la diversité, c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire c'est vrai, mais c'est aussi un jeu sur le politiquement correct. Il y a des prises de position là-dessus dans Ultime Renaissance qui sont les miennes, où on voit par exemple la nouvelle Palmyre, c'est-à-dire Nelly Malherbe, qui est une jeune femme métisse dont les parents viennent des Antilles, qui s'insurge contre le fait d'avoir été choisie parce qu'elle est noire et parce qu'elle est femme justement. Ouais. Et en même temps dans le combat final, il est très investi par tous les gamins de Pantin qui ont leur part d'héroïsme. Bien sûr. Moi on l'a fait au premier degré. Pour moi, le plus grand accomplissement artistique qu'on puisse faire, c'est de raconter une histoire au premier degré sans distance. Et c'est réellement, bien sûr qu'il y a plein de contenus implicites, je les ai mis, donc je sais. Mais le plaisir avant tout, c'est celui d'une histoire de super-héros dans le monde d'aujourd'hui. Et les super-héros dans le monde d'aujourd'hui, ce sont des symboles de joie de la vie collective. Pour moi, c'est ça leur rôle principal. Donc quand la brigade débarque à la fin à Romainville, effectivement, les gosses du coin, ils sont ravis d'avoir des super-héros et ils se montrent héroïques aussi. Mais la question piège, Charlemagne, pour conclure, est-ce que aujourd'hui, avec l'invasion Marvel, est-ce qu'on n'a pas marre des super-héros? Est-ce qu'on n'a pas envie d'autres récits fantastiques et surnaturels? Mais tout le monde raconte des autres récits, donc on a le droit, nous, d'en faire un. C'est pas bien grave. Il y a une suite à la brigade chimérique Ultime Renaissance? On espère le faire un jour, oui. J'ai encore au moins un grand arc narratif à raconter. Ouais, donc okay. je l'espère, mais il faut que le public soit au rendez-vous pour que ce soit possible. Ça part plutôt bien pour le moment. Ça part plutôt bien, apparemment. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Stéphane de Canva. Merci Serge Lehmann. La brigade chimérique Ultime Renaissance, c'est chez Delcourt. Vous pouvez retrouver la première brigade chimérique en intégrale publiée aux éditions de La Talente. Et puis Masqué, puis Métropolis, et puis L'œil de la nuit. Tout le reste, on vous a mis évidemment, comme chaque jour, les références sur notre fil Twitter, @laméthodeFC. La méthode scientifique, c'est Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Noémie Agathe Saint-Vulfran, Natacha Triou, Céline Lauzen, Olivier Bétard à la réalisation, Ludovic Auger à technique, et comme toujours, c'est en podcast sur l'application Radio France et sur franceculture.fr, et ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.